بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc on a mentionné hier, donc on a parlé de la définition du ghaib, al-ghaib, donc la connaissance. Et on a aussi mentionné donc ces types, ou plutôt on a juste donc dit qu'il y avait deux catégories, donc al-ghaib al-mutlaq et al-ghaib al-nisbi al-idafi. Et on a donné des exemples sur al-ghaib al-mutlaq, donc l'inconnaissable qui est absolu. Et là on va voir donc al-ghaib al-nisbi, donc celui qui est partiel, celui qui est partiel. Et là aussi on va encore une fois donner un exemple, un seul exemple par rapport à cela. Et cet exemple c'est al-firasa. Al-firasa. Et avant d'entrer dans cet exemple, donc on peut donner d'autres exemples qui sont par exemple al-ru'ya, donc le rêve, al-manam, ainsi que al-ilham, lorsque Allah insuffle donc quelque chose à un de ses serviteurs. Al-firasa, تعريفها هو النظر والتثبت وتأمل للشيء والبصر به. Donc al-firasa signifie donc le regard, la vérification, ainsi que le fait de réfléchir, méditer sur quelque chose et le fait de voir donc quelque chose. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc qui dit Taqu firasat al-mu'min, craignez la clairvoyance du croyant. Al-firasa, donc c'est la clairvoyance, mais c'est aussi la clairvoyance avec observation. Donc c'est une clairvoyance à partir d'une observation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fi dhalika l'ayatin li'l-mutawassimin. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il mentionne l'histoire du peuple de Lot, il dit que cela, donc il y a dans cela des signes pour ceux qui observent. Il y a dans cela des signes pour ceux qui observent. وَالْمُتَوَسِّمُونَ هُنَا هُمْ الْمُتَفَارِسُونَ الْمُعْتَبِرُونَ الْعَارِفُونَ الْمُتَّعِدُونَ بِغَيْرِهِمْ. Donc qui sont ceux qui observent réellement, ceux qui ont cette clairvoyance? Ce sont donc ceux qui ont donc cette firasa et qui prennent exemple, donc qui profitent des exhortations d'autres qu'eux. فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَنَّ فِي إِهْلَاكِ قَوْمُ لُوطٍ مَوْعِدَةً وَآيَةً لِلْمُتَفَرِّسِينَ وَمُتَّعِدِينَ. Donc ici dans ce verset, Allah Azza wa Jalla montre bien que lorsqu'il a péri le peuple de Lot, il y a eu donc une exhortation pour ceux qui profitent de cela, donc pour ceux qui ont cette clairvoyance. Et aussi donc l'wasam, c'est aussi donc le signe, c'est aussi l'wasam, c'est aussi donc le signe. Et on a des versets qui montrent cela. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Donc leurs traces dans leur visage, par rapport justement, donc il y a des traces dans leur visage par rapport au sujud, par rapport au sujud. Ou bien aussi, ta'rifuhum bisimahum. Et tu les connais par leurs signes. Tu les connais par leurs signes. Il y en a al-mu'tabirin, al-arifin, al-mutta'idin. Le shaykh Ibn Taymiyyah, rahmallah, lorsqu'il mentionne cela, il dit Qala ta'ala, lama zakara qissat qawm Lut, wa ja'alna 'aliha safilaha, wa tamla 'alayhim hijaratan min sijjin. Inna fi dhalika la ayatin lil-mutawassimin. Donc ici il dit al-mutawassil al-mustadil bis-sana wa sima wa hiya al-alama. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah rahmoullah, en expliquant ce verset, donc il montre bien, donc il nous a offert le haut, Donc le bas, donc on sait que le peuple de l'autre, la terre, elle a été retournée. Donc elle a été retournée. Et bien sûr, donc, ils ont reçu donc des pierres. Ils ont reçu des pierres ardentes. Et cela donc était un signe pour justement ceux qui observent. Pour ceux qui observent, c'est-à-dire pour ceux qui vérifient ces signes-là et qui connaissent ces signes. ومما يدل على الفراسة من القرآن الكريم ما يلي. Ainsi, donc nous allons voir quelques versets du Coran vis-à-vis de cela, vis-à-vis de الفراسة. قوله تعالى على العزيز وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. Donc dans Surat Yusuf, lorsque, et il dit donc celui qui l'a acheté, donc en Égypte, à son épouse, donc accorde-lui une généreuse hospitalité en espérant qu'il nous sera profitable ou qu'on en fasse un enfant. Et Abu Saoud, lorsqu'il dit Asa ayantfa'ana, fidya'ina wa amwalina, wa nastadhibihi fi masalihina. Donc lorsqu'il dit en espérant qu'il nous sera profitable, donc lorsque on sera donc perdu, ou lorsqu'on sera donc dans des difficultés, ainsi que nos biens, et on profitera, donc il nous sera profitable dans ce qu'on a besoin comme bien. Et aussi un attachida walada, fanatabanna, donc on va l'éduquer, natabannahu, on va donc l'éduquer. Et l'imam al-Shawkani, rahmallah, vis-à-vis de ce tafsir, il dit « Asa yanfa'ana » qui nous soit profitable « Yakfina al-muhimmat mimma nahtaj ila mithlihi fih » donc il nous sera profitable pour les choses importantes que l'on a besoin. Que l'on a besoin. « Natabannahu fa naj'alahu waladan lana » aussi. « Wa kad kana tafarrasa fihi an yanubu anhu fima ala ilayhi min amil mamlaka » et aussi donc que l'on fasse de lui un enfant et qui sera sûrement donc notre successeur vis-à-vis de la royauté. Donc tout ça, ça fait partie d'al-firasa, de voir que peut-être il y a donc en lui un bien, le fait qu'ils ont pensé à ça. Et ça donc ça rentre dans al-firasa. Et il y a aussi donc cette histoire qui est ajiba avec Moussa alayhi salam lorsqu'il s'est sauvé et qu'il est parti à Madian. وقال تعالى على لسان ابنة شعيب قالت إحداهما يا أباتي استأجره إن خير من استجرت القوي الأمين. Donc ici, donc la fille de Shu'aib, alayhi salam, elle dit donc au père, donc fais de lui quelqu'un qui travaille pour toi. Donc un employé, fais de lui un employé, car ce sera donc la meilleure des personnes que tu pourras employer, car il est quoi? Il est fort et il est responsable. Il est donc dépositaire du dépôt. Il est dépositaire du dépôt. Et vous connaissez sûrement l'histoire du djinn avec Suleyman, Ali Salam, lorsqu'il dit « Wa inni Ali, la qawun amin ». Donc les ulama sortent de « al-qawi al-amin » que ce sont réellement donc, les shurut, les conditions du bon ouvrier, du bon employé. Il est qawi dans le sens il connaît le métier qu'il fait, et il y a mis, car il est dépositaire du dépôt. Donc si la personne remplit ces deux conditions, donc elle sera donc un bon ouvrier ou un bon employé. « Fahadil ma'a tafarrasat fi Moussa, alayhi salam, wa tawassamat fihi al-khair wal-kuwa wal-amana, wa ala hada talabat min abiha an yastajirahu lira al-ghanam. » Donc ici, c'est donc la fille de Shu'aib, alayhi salam, donc elle a vu en lui, donc le bien, la force, qu'il est aussi donc quelqu'un de parole ou de, qu'il est dépositaire du dépôt. C'est pour ça qu'elle a demandé à son père donc qu'il l'emploie afin donc de garder les moutons et autres. Ibn Kathir donc il dit rahmallah dans cette histoire qala Omar wa Ibn Abbas wa Shurayh al-Qadi wa Qatada wa Muhammad ibn Ishaq wa ghayr wahid lama qalat inna khayra من استجرت القوي الأمين قال له أبوها ما عملك بذلك وما علمك بذلك. Donc par rapport au verset qu'on a lu auparavant, son père lui dit, qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait connaître? Donc ça, « قالت لأنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشر رجال » Donc ici, elle dit, certes, il a levé une pièce, il ne l'a point. Donc il a levé une pierre, donc il a levé une pierre que même 10 personnes donc, n'auraient pas pu le lever, n'auraient pas pu soulever cette pierre-là. Donc déjà ici, on a la force. On a déjà ici donc la force. وأنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي كوني من ورائي. Lorsqu'elle est venue, lorsqu'elle donc elle a marché avec, donc lorsqu'ils sont partis pour voir ce père, parce qu'il portait de l'eau, donc il portait en vérité donc si on peut dire ça comme ça, donc leur seau d'eau. Elle marchait devant lui et il lui a dit marche derrière moi. فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي بحصى أعلم بها Keifa Tariq li ahtadi ilayhi. Et si donc, les chemins devaient se séparer, donc prends un caillou et jette le caillou du côté du chemin que je dois prendre. Car donc, il ne portait pas le regard donc, en elle. Donc on a vu ici donc, quelqu'un qui est l'amana, qui est donc le dépositaire donc, ou respectueux. Donc l'histoire est terminée par rapport, donc, c'est dans le texte de Mukaisir, rahmallah. وقال تعالى على لسان امرأة فرعون اتجوه par rapport à l'épouse de Pharaon وقالت ان امرأة فرعون قرة عين قرة عيني ولك ولا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذ ولدا. Donc ici aussi elle dit donc la femme de Pharaon qu'il soit en vérité donc un plaisir pour les yeux, une réjouissance pour les yeux, pour moi et pour toi, ne le tue pas en espérant qu'il nous sera profitable ou qu'on fasse de lui donc un enfant. Qu'on fasse de lui donc un enfant. فَكَانَ قُرَّةُ عَيْنْ لَهَا حَيْثُ هَدَاهَا اللَّهِ بِسَبَابِهِ وَأَسْكَنَهَا الْجَنَّةِ بِفَضْلِ دَعْوَتِهِ وَأَهْلَكَ فِرْعُونَ هَلَا يَدَيْهِ. Donc c'était réellement pour la femme de Pharaon donc un plaisir, une réjouissance donc pour les yeux, car par son sabab, Allah Azza wa Jalla l'a guidé. Et mais ce donc lui a donné une demeure au paradis par les bienfaits de la dawa de Moussa alayhi salam. Et aussi Allah a fait périr donc Pharaon toujours par les mains de Moussa alayhi salam. Wa fil athar an Ibn Mas'ud qala afras an-nas thalathatun Abu Bakr hina tafarrasa fi Umar wa sahib Yusuf hina qad akrimi mathwahu wa sahibat Musa حين قالت يا أباتي استجره إن خير من استجرت القوي الأمين. الحديث donc il est rapporté donc dans le tafsir de Rawahu Ibn Jarir fi tafsirihi. Donc Ibn Mas'ud rapporte que les trois personnes qui sont les plus clairvoyantes ce sont Abu Bakr al-Siddiq lorsqu'il a choisi donc Omar, lorsqu'il a choisi donc yani par rapport à Omar, ainsi que Sahib Yusuf, hein, donc l'histoire de Yusuf, donc le fait que donc elle a dit, donc il a dit donc honore-le, hein, donc honore-le, et ainsi que Moussa lorsque la fille de Shu'aib, donc elle a dit à son père, ô père, donc fais de lui un ouvrier, un employé, car la meilleure personne que tu puisses en vérité employer, c'est justement donc le fort et aussi donc la personne qui est respectueuse du dépôt. مما يدل على الفراسة من السنة ما يأتي ما رواه الطبراني في الأوساط عن أنس مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عبادا يعرفون الناس بالتوسل إن الله عبادا يعرفون الناس بالتوسل والحديث حسن حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc les hadiths rapportés par Tabarani fait Awsat, où Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc certes Allah a des serviteurs. Ils connaissent les gens par l'observation. Ils connaissent les gens par l'observation. Walil firasa anwar. Donc il y a des catégories de firasa, cette observation, cette clairvoyance. Al firasa ala nou'an, il y a donc deux catégories. Al nou'an al-awwal الفراسة الطبيعية المكتسبة التي تحصل من الدلالة والتجارب. Donc elle fera ça, cette clairvoyance qui est naturelle. Donc qui est naturelle et aussi elle s'acquiert par rapport donc aux éléments qui se montrent en face et aussi l'expérience. Donc vis-à-vis de, des éléments qui pourraient être en face de soi et ainsi que les expériences. Wanda al-Thani, la deuxième catégorie, c'est elle fera ça al-Natija, بعد ما يوقعه الله في قلوب عباده. Donc ici, la deuxième catégorie de cette clairvoyance, c'est justement ce que Allah donc, donne, donc, ou entre dans donc, le cœur de certains de ses serviteurs, lorsqu'on voit donc, des fois donc, certains prodiges. Donc certains prodiges, et on en connaît. Il y a eu certains prodiges donc, par rapport au compagnon du prophète. Si on prend l'exemple de Omar al-Khattab, donc avec Sariya. Dans, donc justement dans la djihad, on l'a bien vu. Donc ça c'est un prodige. Wa ilayka akhi al-qali al-kalim yani bayanuha bit-tafsil. Donc ici on va donner donc l'exemple avec donc on va l'expliquer. Donc ici il y aura des détails de cet exemple. Anna al-awwal hiya al-firasa allati tahsulu 'ala al-dilala wat-tajarub wa ma'rifati akhlaq an-nas wa sifatihim al-khuluqiyya fayastadillu biha al-mutafarrisu على أحوال الناس كما أنها تحصل أيضا بالاستدلال وتجربة والنظر إلى الصفات الخلقية التي تنبئ عما يريد الرجل معرفته من الآخر عن طريق التفرس في كلامه وما يظهر من ملامحه الخلقية. Donc la première catégorie, celle qui sera donc vis-à-vis d'expérience et par rapport à la connaissance des comportements et des qualités des gens, donc les comportements qu'ont les gens. Donc lui, bien sûr, à partir de cela, à partir de quelque chose, donc il va avoir donc une idée, hein, donc il va avoir une idée aussi, et ça, bien sûr, donc c'est aussi par rapport à l'expérience et par rapport à le fait de regarder donc les gens, comment ils sont, ne serait-ce que le fait de voir comment ils se tiennent, le fait de voir comment ils marchent, il a créé. Donc cela en vérité amène à connaître la personne par rapport à cela, par rapport à sa parole, par rapport à son comportement et autres, à sa tenue. وَقَدْ اشْتَهَرَ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْفِرَاسَةِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمْ. Donc cela est connu chez les gens, et bien sûr chacun aura donc sa part de cela. Il y aura des gens qui seront donc plus clairvoyants que d'autres par rapport à ce domaine. عَلَى قَدْرِ ذَكَائِهِمْ وَفِتْنَتِهِمْ وَخِبَرَتِهِمْ وَتَجَارُوبِهِمْ. Et aussi selon l'intelligence des gens, selon aussi donc la finesse que les gens ont, et aussi leur expérience. كَمَا اِشْتَهَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْقُضَاةِ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ وَالْقِيَامِ بِرُدِّهِ إِلَى صَاحِبِهِ عَنْ تَلْكَ الْفِرَاسَ بِالْخِبْرَةِ النَّاتِجَ عَنْ طُولِ التَّجْرُوبَةِ. Comme on l'a vu donc chez donc plusieurs des juges, donc parmi les juges qui ont justement donc l'habitude de faire face aux gens, donc bien sûr on pourrait dire aussi maintenant les inspecteurs ou quoi, donc ceux qui ont l'habitude de faire face aux gens, ils voient, donc ils ont partagé le bas, ils connaissent, il y a des signes qui montrent et qui trahissent donc des fois la personne qui est en face. Donc le juge se sert, va utiliser donc cela pour pouvoir des fois arriver à la vérité, donc justement par rapport à quoi, à l'expérience qu'il a, par rapport à l'expérience qu'il a. Donc ça sera aussi un élément parmi les éléments qu'il va utiliser. Donc ici on va donner des exemples. Marwah al-Bukhari an Ibn Umar qala ma sami'tu Umar qat yaqul inni la adhunnuhu kada illa kana kama yadhun. Donc ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il rapporte qu'Ibn Umar radiallahu anhu wa an abihi, donc il dit j'ai jamais entendu mon père donc dire quelque chose, je pense qu'il est comme ça, et réellement il était comme ça. Donc chaque fois que mon père a dit que cette personne était comme ça, elle était réellement comme ça. Bainama in Umar jalisun iz marra bihi rajulun jamilun fa qala Umar laqad akhta'a dhanni. Sauf cette fois-ci donc. Donc il dit Umar était assis et un homme est passé auprès de lui et Umar donc dit mon doute hein, donc s'est trompé. Donc ce que je pense de lui, donc je me suis trompé. Donc il y a ici donc cette erreur, si on peut dire ça comme ça. Ou Inna hada ala dinihi fil jahiliya. Ou bien, donc celui-ci a toujours donc sa religion donc de la jahiliya. Ou laqad kana kahinuhum. Ou bien, il faisait partie donc de leur devin. Il était donc de leur devin. Ou bien il est resté dans sa religion auparavant, ou bien il était de leur devin, un des deux. Donc il n'a pas donc visé juste, il a ici le choix entre deux. Il ne sait pas ce donc quel des deux est le bon, la bonne. Faraj bien dit Ali ibn Rajul, fad'a lahu. Donc il dit amenez-moi cet homme. Donc on a convoqué cet homme pour lui. Faqala lahu dhalika faqala. Et il lui dit donc cela, il dit ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم قال فإني أعزم عليك إلا أخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية. Donc on a vu ici donc le résultat. Donc il lui dit, donc je n'ai pas vu qu'un jour comme le fait donc comment il a donc il a accueilli ici donc comme ce jour-ci donc un homme musulman. Donc il dit je te demande. Donc je te demande toi donc de m'expliquer, donc de m'annoncer cela. Il dit certes j'étais justement donc leur devin fil jahiliya. Donc regardez, il avait reconnu que celui-ci était comme ça déjà donc auparavant. Et ça fait partie d'al-firas. Ça fait partie en vérité donc d'une intelligence qui est quand même grande. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, où ici donc toujours Ibn Omar rapporte que son père s'est renseigné donc radiallahu anhu, afwan, lakad kuntu yani za farasatin. Wa laysa lil an ray in lam yakun hadha ar-rajul yanzuru ila al-kahan aw ila al-kahan. Donc il dit certes donc j'ai donc cette clairvoyance, mais sauf que moi maintenant donc je n'ai pas d'avis, sauf que je pense que cette personne donc voyait donc justement donc ces choses-là, c'est-à-dire le fait d'être devin. Donc Ibn Hajar explique cela dans le fait. Il dit Inna Omar dhanna shay'an mutaraddidan bayna shay'an ahaduhuma yataraddadu bayna shay'an ka'annahu qala hadha dhann yani imma khata wa imma sawab. Donc ici Omar donc doute de quelque chose. Il n'est pas sûr. Donc il doute entre deux choses. Une chose donc c'est qu'il ne sait pas par rapport à ces choses-là. Il dit donc ou c'est bon ou donc mon doute est faux ou bien il est bon. Fa in kana sawaban fa hada al-an imma baqin ala kufrihi wa imma kana kahinan. Mais si mon doute donc est bon, si j'ai vu juste, donc ou celui-ci est resté dans sa mécréance ou bien en réalité celui-ci donc il était donc devin. Wa qad azra al-hal yani al-qism al-akhir. Donc ici on voit par rapport à la situation de cette personne que en réalité donc la deuxième partie, le fait qu'il était devin, c'était ça la vérité. وكأنه ظهرت له من صفة مشيه أو غير ذلك قرينة أثرت له ذلك الظن الله أعلم. Donc il dit ici donc Ibn Hajar rahimahullah, donc c'est comme s'il avait remarqué de par donc ses caractéristiques, donc sa façon de se comporter, sa marche ou autre, donc quelque chose, un élément, une qarina, donc qui va en vérité donc justement influencé en vérité donc sa façon d'être, quelque chose qui a influencé sa façon d'être, de là il a dit donc c'était sûrement un devin. Donc Allah a'lam, donc il dit Allah a'lam, mais là c'est une explication de Ibn Hajar rahmahullah. Et on a aussi dans Qissa avec Youssouf alayhi salam, hein, donc lorsque وذلك من حكاه الله سبحانه وتعالى في قصة امرأة العزيز مع يوسف حين راودته عن نفسه فأبى وولى هاربا فأدركته عند الباب فأمسكت بقميصه من الخلف فقدته لما رأت زوجها قالت. Donc ici par rapport au verset, donc on va lire le verset, donc la qissa de la femme de l'Aziz avec Youssouf, lorsque donc elle était face à lui et qu'il lui a refusé, donc il s'est retourné et s'est sauvé, donc elle l'a rattrapé près de la porte et donc elle a retenu son camis de par derrière et bien sûr donc elle a déchiré ce camis. Lorsqu'elle a vu son mari, elle a dit donc ma jazaou man arada bi ahlika su'an illa an yuzjan aw adhabun alim. Donc quelle est donc la récompense de celui qui veut du mal, c'est-à-dire à ta famille, donc à ton épouse. Donc la récompense ne sera que qu'il soit emprisonné ou qu'il ait un châtiment douloureux. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. Donc lui l'a dit, il a répondu Youssouf al-Sam, donc c'est elle qui donc a fait face à moi et qui voulait donc se donner à moi, et il y a donc un témoin de sa famille, donc quelqu'un qui est venu de sa famille, donc il a dit in kana qamisuhu qudda min qubulin fasaddaqat wa huwa min al-kadhibin. Donc lui il a justement cette firasa, donc il a dit si seulement donc le qamis est arraché donc, par devant, donc ça veut dire que c'est lui donc le menteur. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُورٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Tandis que si le qamis est arraché de par derrière, donc elle a menti et lui fait partie de ceux qui ont dit la vérité. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُورٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ يَنِ عَظِيمٍ. Donc ici, donc lorsque il a dit donc lorsqu'il a vu que le qamis est arraché par derrière, il a dit que cela fait partie de vos ruses. Et vos ruses sont énormes. Et les ruses donc sont énormes. Donc ici on a vu par rapport au qamis qu'en réalité, donc le fait qu'il est arraché par derrière, donc ça voulait dire que c'était elle la menteuse. Et s'il est arraché par devant, ça aurait été lui le menteur. Donc ça c'est une qarina. Et c'est une qarina qui est permise à Kul Hajj chez les juges. Donc par rapport au Qudat, donc ils vont utiliser El Qara'in. Des fois il y a des signes. Même s'ils n'auraient pas les preuves évidentes, mais des signes qui seraient. Qui vont fortement ramener à, justement à la culpabilité d'une personne, donc ils peuvent la rendre coupable par rapport à ça. Le fait qu'il y a donc un grand bénéfice du doute. Mima yadullu ala al-firasa marawahu al-Bukhari wa ghayrihi an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala kanat imra'atan ma'ahuna ibnahuma ja'a al-dhib fa dhahaba bi ibni ihdahuma fa qalat sahibatiha innama dhahaba bi ibnik. وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكم إلى داود فقضى به الكبرى للكبرى. Donc ici, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporte, il y avait deux femmes, et toutes les deux, donc elles avaient un enfant. Le loup est venu, donc il a pris l'un des deux. Et une dit à son ami, donc certes il a pris ton enfant, et l'autre a dit non, il a pris ton enfant. Et donc elles sont parties se plaindre à Daoud, et l'a jugé en donnant donc raison à la plus âgée. Et lorsqu'elles sont sorties, il y a dit Fakharajata ala Suleiman ibn Daoud, Fakhbarata, Fakal atuni bisikin, Ashokku beynahuma. Lorsque donc elles sont parties voir Daoud, Suleiman ibn Daoud alayhi salam, donc elle lui a expliqué cela, il a dit amenez-moi un couteau, donc je vais le couper en deux. Je vais le couper en deux. Donc Fakalat Sura, donc la plus petite elle a dit, La tafhal yahmakullah, huwa ibnuha. La petite a dit, non ne le fais pas, qu'Allah te fasse miséricorde. Donc celui-ci est son enfant, Fakadabi le Sura. Donc il a donné raison à la plus petite, le fait que c'était sa mère, donc elle ne veut pas qu'il meure, elle préfère même qu'il soit vivant chez quelqu'un d'autre, plutôt qu'il soit donc mourant. Donc cette chose, justement, il a compris que automatiquement la mère, c'est la première qui va en vérité avoir une réaction par rapport à cela. Donc la réaction qui est venue de la première a montré cela. وقال أبو هريرة إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المجيء. Donc Abu Huraira rapporte donc c'était la première fois que j'entends le mot sikin, le couteau, alors que nous on disait al-mujiya. فاستطاع سليمان عليه السلام بذكائه وفراسته وفطنته أن يعرف أم الولد ثم حكم به لها. Donc Suleiman عليه السلام par rapport à son intelligence et par rapport à cette clairvoyance des choses, donc il a pu en vérité savoir qui est la mère donc des deux, et donc il a bien sûr jugé dans cela. وَكَذَلِكَ اِشْتَهَرَ عَنْ إِيَّاسِ إِبْنُ مُعَاوِيَ. Donc إِيَّاسِ إِبْنُ مُعَاوِيَ, donc c'est un salaf qui est mort, donc c'était le juge de Basra, et il est mort en l'an 121 de l'Hégire. Rahmallah. Donc ici, donc فمن ذلك ما رواه ابن عين ابن حماد عن إبراهيم ابن مرزوق البصري قال كنا عند إياس ابن معاوية إذ جاء رجل فجلس على مكان مرتفع بالمربط فجعل يترصد الطريق. Donc on était auprès de Iyas ibn Muawiya, et est venu un homme et s'est assis dans un endroit élevé, hein, du marbat, et il commençait à regarder Donc regardez donc la route. Donc regardez, on voit qu'il recherche quelque chose. فبينما هو كذلك إن نزل فاستقبل رجل ونزل في وجهه ثم رجع إلى مصعده أو إلى موضعه. Donc ici, on voit que l'homme descend d'où il était, il se rapproche, il va à l'encontre d'un homme et regarde son visage, puis il retourne à sa place. Donc il remonte là où il était. فقال إياس قولوا في هذا الرجل. إياس dit, que pensez-vous? Dites-moi. Donc qui il est. C'est-à-dire, que pensez-vous en vérité de ce qu'il fait, quoi? Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette personne? Qalu ma naqul. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on dira? Rajul talib hajatahu. Talib haja. Donc c'est un homme qui recherche quelque chose. Qala huwa muallim as-sibyan qad abqa lahu ghulam a'war. Donc Iyas dit, lui c'est un homme qui enseigne aux enfants et un des enfants donc qui est bon s'est sauvé, il est parti, un de ses élèves. Donc il est à la recherche d'un enfant qui est bon. Faqama ilayhi ba'duna. Donc certains d'entre nous nous sommes levés. Fasa'alahu an hajatihi. Et on l'a questionné donc sur ce qu'il fait, sur ce qu'il cherche, sur ce qu'il recherche. Faqala huwa ghulamun abiq. Une ghulamun li abiq. Donc c'est un enfant, un de mes enfants donc qui est perdu. Ils ont dit, et comment il est? Donc, quelles sont ses caractéristiques? Donc, il a mentionné les caractéristiques. Il a perdu un œil. Donc, il est bon. Et lui dit, donc, quel est ton métier? Quel est ton travail? Que fais-tu? Il a dit, j'enseigne aux enfants. Donc, il a demandé à Iyas, comment tu as su cela? Donc je l'ai vu, donc il est venu et recherchait un endroit où il allait s'asseoir. Un endroit où il allait s'asseoir. Donc il a regardé l'endroit le plus haut afin qu'il puisse, ou qu'il puisse bien sûr accéder à cet endroit. Et il s'y est assis. Et j'ai regardé donc comment il est, et j'ai vu qu'il n'avait pas la position, sa position, et j'ai vu qu'il n'avait pas la position donc des rois, donc de quelqu'un de noble par exemple. فَنَظَرْتُ فِي مَنْ اِعْتَادَ فِي جُلُوسِهِ جُلُوسُ الْمُلُوكِ فَلَمْ أَجِدْهُمْ إِلَّا مُعَلِّمِينَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ مُعَلِّمُ الصِّبْيَانِ. Donc celui qui a l'habitude de voir, de s'asseoir chez des rois, il va reconnaître. Donc qu'est-ce qu'il voit? Il verra ici. Donc il n'a pas vu justement donc ceux qui ont le roi et les nobles qui sont autour de lui. Ils ont une façon de s'asseoir. Donc celui-ci ne sait pas si de cette façon-là. Et il a reconnu que c'était donc celui qui enseigne aux enfants par rapport à sa façon de s'asseoir. Qulna kayfa 'alimta annahu abqa lahu ghulam. Mais comment tu as su qu'il a perdu un enfant? Qala ra'aytuhu yatarassadu at-tariq yanzuru fi wujuhin nas. J'ai vu donc qu'il recherchait, donc il était en train de bien regarder sur la voie, et qu'il regardait les visages des gens. Qulna kayfa 'arafta annahu a'wa. Et on lui a dit aussi, et comment t'as su qu'il était donc bon? Qala baynama huwa kadhalika in nazala fastaqbala rajulan faqad dhahabat ihda 'aynayhi fa'alimtu annahu shabahu bi ghulamihi. Il dit parce que lorsque je l'ai vu descendre, qu'il a regardé un homme, et que cet homme-là aussi était bon. Donc j'ai compris que cet enfant ressemblait donc à cet homme. Donc il a vu sûrement un visage, peut-être de loin il a parcouru la taille, il est descendu pour voir cette personne-là, parce que donc il est par rapport à cela. Donc c'est tous des éléments qui l'ont amené à pouvoir en réalité donc dire cela. Et ça rentre toujours dans le feras. Kedaïk a toujours donc avec Iyas, il était connu pour cela. Iyas donc il était fortement connu par rapport, donc Rahmanullah, donc c'était en plus un qadi, c'était un juge. Donc taqaddama ila Iyas Arbaou Niswa. Donc sont venus auprès de Iyas quatre femmes. Qala Iyas amma ihdahunna fahamil. Il a dit Iyas, l'une d'entre elles, à propos de l'une d'entre elles, elle est enceinte. Wal ukhra murdi'a. Et l'autre, elle allait. Wal ukhra thayyib. Et l'autre, elle a déjà été mariée. Wal ukhra bikrun. Et l'autre n'a jamais été mariée. Fanadharu fawajadul am kama qala. Et ils se sont donc renseignés sur cela, et ils ont vu que cela est vérité, que ce qu'il a dit c'est vrai. Qalu wa kayfa araft. Il lui pose la question, comment tu sais cela? قال أما الحامل فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنها. Mais la femme enceinte, elle me parlait et elle relevait sa robe tout simplement donc de son ventre. Donc il a compris qu'elle était enceinte par rapport à ce geste-là. فعرفت أنها حامل. J'ai compris comme cela, donc j'ai su que par rapport à cela qu'elle était enceinte. وأما المرضع فكانت تضرب فديها فعرفت أنها مرضع. Tandis que celle qui allait, donc elle touche ses poitrines, elle tape sur ses poitrines. Et j'ai compris qu'elle était donc qu'elle allaitait. Wa amma thayyib fa kanat tukallimuni wa 'aynaha fi 'ayni fa 'araftu annaha thayyib. Tandis que la femme qui a déjà été mariée, elle me parle et je lui parle, mais elle me fixe du regard. Elle me regarde directement. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus la même pudeur. C'est-à-dire celle qui n'a jamais été mariée et celle qui est mariée. Il y a une différence. Donc elle regarde. Elle sait ce que c'est qu'un homme, donc elle fait face. Elle regarde. Donc j'ai compris qu'elle a déjà été mariée. Wa amma al-bikr فكانت تكلمني وعينها في الأرض. Tandis que celle qui n'a jamais été mariée, elle me regarde et ses yeux sont donc sur la terre. On connaît maintenant, si on prenait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit donc que son silence vaut son consentement, c'est parce que elle n'a jamais été mariée, donc ni elle regarde ni aussi elle lève la parole ou quoi que ce soit. Donc contrairement à celle qui a été mariée, donc automatiquement sa situation donc elle change. ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن رجلا كان مستور الحال مستور الحال ابن القيم رحمه الله rapporte aussi qu'un homme n'était pas connu donc sa situation il est peut-être يعني معروف يعني il est peut-être pas مستور العين dans le sens il est peut-être connu on sait qu'il sait mais on ne connaît pas réellement sa situation à qui on a affaire même si on l'a déjà vu donc c'est sa situation qui n'est pas connue ici فأجاب القاضي قبول قوله et le juge a accepté donc sa parole. فسأل عنه يعني فزكي عنده سرا وعلانية. Il questionna et les gens pourtant donc ont vanté ses mérites donc en secret et en public. فرسله في حضور. فرسله في الحضور يعني في حضور مجلسه لإقامة شهادة وجلس القاضي وحضر الرجل. Donc il lui a demandé de venir à son assise, le juge a demandé à cet homme de venir à son assise afin de juger. Le juge est assis et l'homme est venu. فلما أراد إقامة الشهادة لم يقبله القاضي. Et lorsque la personne a voulu donc témoigner, le juge n'a pas pris de son témoignage. فسئل عن السبب. On questionna le juge par rapport à la cause. Pourquoi? فقال انكشف لي أنه مراع فلم يسعني قبول قوله. J'ai remarqué qu'il était en réalité quelqu'un qui était ostentatoire et donc je n'ai pas pris de sa shahad. Je n'ai pas pris donc de son témoignage. فَقِيلَ لَهُ وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ذَلِكَ. Et on lui dit, d'où tu connais cela? فَقَالَ كَانَ يَدْخُلُ إِلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَأَعِدْ خُطَاهُ مِنْ حَيْثُ تَقَعُ عَيْنِي عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ إِلَى مَجْلِسِي. Donc lorsqu'il entrait donc chez moi, dans cette donc chaque jour, je comptais les pas qu'il faisait, c'est-à-dire de la porte où il entrait jusqu'à, c'est-à-dire là où je suis assis. فَلَمَّا دَعَوْتُهُ الْيَوْمَ جَاءَ. Lorsque je l'appelais ce jour-là, il est venu. فَعَدَدْتُ خُطَاهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ إِذَا هِيَ زَادَتْ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَهُ. Je l'ai appelé ce jour-là et j'ai vu que ses pas ont augmenté. Donc il faisait sûrement des plus petits pas. Il y a eu donc 3 ou 4, 3 ou quelque chose comme ça, donc 3 pas en plus ou autre. فعلمت أنه متصنع فلم أقبله. J'ai compris qu'en vérité donc c'est quelqu'un qui a inventé cela. Donc c'est pas là, il n'était pas naturel en fin de compte. Parce que dans le sens que il n'était pas quelqu'un de naturel. Et j'ai compris et de là, du fait que j'ai vu chez lui donc un comportement qui n'était pas naturel, donc je n'ai pas accepté donc son témoignage. Donc ça c'est, vous voyez, comment que le juge a fait. C'est donc Ibn Qayyim qui rapporte cette histoire. Bon, voilà. Donc les gens vont se poser la question, donc alaqatuhu yani baina al-ghayb. Quel est donc ici son lien avec l'invisible? Adanno min al-firasa laysa li sahibi ay 'ilm bil-ghayb aw ittila' 'ala ba'dihi ila 'an tariq an-nazar wa tafarrusi fihi wa la 'an ghayriha. Donc il n'y a pas de relation avec l'invisible dans le sens où Allah ne lui a pas donné donc quelque chose qui fait qu'il connaît l'invisible. Où il ne peut pas se permettre de voir ne serait-ce qu'une partie de l'invisible. Mais cela est venu à partir de quelque chose qui existe. à partir des éléments. Donc ça ne rentre pas dans le domaine donc de l'invisible, même si ça rentre comme on l'a vu donc par rapport au nisbi. بل إن هذا النوع يعرف عن طريق النظر والتجربة والخبرة الناتجة عن معرفة النفوس الناس وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وما تدل عليه. Mais plutôt cela donc va s'acquérir en vérité donc par rapport à le fait de voir les choses, le fait donc de voir des choses, l'expérience. Donc qui est justement en connaissant les gens, en connaissant donc les attitudes des gens, leur façon de se comporter, tout cela, hein, en fait leur façon de se comporter et tout. C'est tout ça qui vont montrer en réalité qu'ils vont avoir, donc la personne qui sera en face, qui va en fait avoir donc une image de toi. وَهَذِي الْفِرَاسَ بِالْجُمْلَ تُفِيدَ الظَّنْ لَا الْجَزْمُ وَالْيَقِينَ. Et bien sûr, de façon générale, الْفِرَاسَ, donc, ça reste toujours par rapport à un doute. C'est pas en réalité une certitude. Donc ça reste pas une certitude donc réelle. C'est pas une preuve comme si c'est une preuve qui est tangible. Donc ça reste toujours une certaine donc il y a toujours une marge par rapport à cela. لأن يواطن الخط يعني ما تخفيه صدورهم يعني غيبة بالنسبة لغيره. Pourquoi? Parce que la personne est obligée d'avoir. Elle est obligée. En vérité, nous on est obligé de toujours garder donc cette sécurité qui est en vérité pour nous parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. On ne sait pas réellement donc ce qu'il y a dans les cœurs et ça on est obligé de pas entrer dans ce domaine-là. Ça, donc, c'est très bien que ça, c'est interdit. On ne peut pas se permettre de dire, il dit ça parce que j'ai voulu faire, parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est à peu près, par rapport à ça, c'est interdit. والغيب من خصائص الله. Et surtout que le ghaib, donc, ça fait partie des spécificités d'Allah subhanahu wa ta'ala. لا يعلم أحد سواه. Personne d'entre eux, donc personne d'autre qu'Allah connaît donc l'invisible. وهذا النوع غير داخل في العلم بالغيب. لا من قريب ولا من بعيد. Donc cette science-là ne rentre pas dans la science de l'invisible, celle qu'on a vue donc hier, ni de près ni de loin. ليس لأحد أن يدعي أن المتفرس يعلم شيئا من الغيب. Donc personne ne peut se permettre que celui qui va remarquer ces choses-là fait partie de ceux qui connaissent donc l'invisible. Parce qu'il n'y a que Allah Zolé qui connaît l'invisible. Donc personne ne peut dire lui aussi il connaît parce qu'il a fait ça, il a dit ça. إن صدق ظنه وحدثه. Donc وإن صدق ظنه وحدثه. Même si il a eu un bon doute, il a eu doute et il a eu en vérité raison par rapport à son doute. ولا بأن الفراسة طريق لمعرفة الغيب أو الأحكام. Donc le فراسة on ne va pas utiliser ni pour connaître l'invisible ni pour connaître en réalité donc les règles religieuses. Deuxièmement, donc on a vu donc le مكتسم. On a vu donc ici النتيجة بعد ما يقعه الله عز وجل على قلوب أوليائه. Donc ce que Allah donc va entrer dans le cœur donc de ses serviteurs, de ses élus. فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدث. Donc ils vont connaître les situations des gens. Donc bien sûr par rapport. Donc c'est comme c'est une catégorie ici donc de prodiges et d'avoir bon après dans cela. وهي ناتجة عن نور اليقين الذي يكذب الله عز وجل في قلب عبده المؤمن ويفرق بين الحق والباطل والصادق والكاذب. Donc ici c'est une lumière qu'Allah عز وجل entre dans le cœur de son serviteur et qui pourra faire le discernement entre la vérité et le faux et entre le véridique et le menteur. Et on a donc il y a beaucoup d'exemples surtout par rapport aux muhaddithin, par rapport aux gens du hadith, c'est les mêmes al-Bukhari et d'autres. وسببها الإخلاص لله تعالى في القول والعمل وتزكية النفس بالأعمال الصالحة وبعدها عن الأخلاق الرديئة وتصفية القلب من الصفات الذميمة وغض البصر عما حرم الله فإنه يورث النور القلب والفراسة وقد ذكر سبحانه وتعالى آية النور عقب آية يعني غض البصر فقال الله نور السماوات والأرض. Donc ici la cause de cela, qu'est-ce qui fait que la personne justement possède cela, c'est qu'il est sincère envers Allah Azza wa Jal dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Il purifie son âme donc avec les bonnes œuvres et il s'éloigne des mauvaises, donc des mauvais actes, et il va purifier son cœur aussi donc par les bons des mauvais comportements. Donc il va ne pas regarder ce qu'Allah lui a interdit. Et cela va donc faire naître dans son cœur, il va arrêter en vérité la lumière du cœur, et aussi elle fera ça, cette clairvoyance, hein, cette observation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, donc lorsqu'il dit Allah est la lumière des cieux et de la terre, après avoir mentionné les versets qui dit de ne pas regarder, hein, de baisser le regard. Juste après le fait de baisser le regard, il y a ce verset-là qui dit qu'Allah donc, est la lumière des, donc, des cieux et de la terre, et ça a un lien. فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَمَّا حَرَمَ اللَّهُ عَوَّدَهُ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِهِ بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. Donc celui qui donc, baisse le regard de ce que Allah lui a interdit, Allah va lui remplacer donc, par le regard, donc, dans la même catégorie, donc justement le regard, mais quelque chose de meilleur. Donc justement, donc, فَيَطْلِقُ النُّورِ يعني يُطْلِقُ النُّورِ بَصِيرَتِهِ وَيَفْتَحُ عَلِيْهِ بَابَ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْكُشُوفِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُنَالُ بَصِيرَةَ الْقَلْبِ. Et ça c'est une parole de Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah dans Majmu' Fatawa. Donc celui qui donc Allah va donc donner dans son cœur, donc il va justement lui donner donc la lumière de la clairvoyance. Il va lui ouvrir aussi la porte de la science, de la connaissance et de connaître donc les choses. Et autre de tout ça qui va en vérité qui va faire qu'il y aura donc une clairvoyance qui provient du cœur. Donc, comme ici, donc, c'est une parole de Cheikh Ibn Taymiyyah. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith, on l'a vu auparavant, Inna Allah ibad ya'rifuna an-nas bitawassum. Certes, Allah a des serviteurs qui connaissent les gens par l'observation, par la clairvoyance. Fal mu'minu, idha zukiya yani zaka nafsahu bil ikhlas wal ibada sahiha, al muwafiqa li sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa taqarraba ila Allah bin nawafil, ahabbahu Allah, wa sara waliyan min awliyaihi. Donc, lorsque le croyant purifie son âme, et il est sincère dans son adoration, qui est véridique et qui est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par les nawafil, donc les œuvres surérogatoires, Allah va l'aimer. Allah l'aimera. Et il sera parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va voir, donc avec ce que Allah lui a donné comme lumière, il va entendre aussi avec ce que Allah lui a donné comme donc oui, il va prendre de ce que Allah lui a donné et aussi par rapport à comment il va marcher, comment il va prendre. Et vous connaissez le hadith et vous connaissez donc le hadith par rapport à cela. Donc toujours chez Ibn Taymiyyah, rahmatullah, il dit en expliquant le hadith hein, que vous connaissez, sûrement donc beaucoup d'entre vous doivent le connaître. Donc il dit Anna mahbub Allah bihi ya'lamu sam'an wa basaran wa bihi ya'malu batshan wa sa'yan. Vous voyez donc il dit ici Cheikh Ibn Taymiyyah dit donc les aimés d'Allah Azza wa Jal, donc ya'lamu, il va connaître, donc ici il y a l'ilm par donc le sam' wa le basar. Il va mettre en application, donc ici il y avait donc la science, mais ici il y a l'œuvre, par le fait de tenir et par le fait de faire donc sa'yan, le fait de marcher maintenant dans la prière ou le hajj ou quoi. Le fait d'y aller, d'aller donc dans toutes les adorations qui sont bien. Donc là on a affaire à la science et là on a affaire aux œuvres qui sont donc avec nos corps. وَكَنَا شُجَعْ الْكَرْمَانِ لَا تُقْتِ لَهُ فِرَاسَ. Même chose pour شُجَعْ الْكَرْمَانِ رَحْمَ. Lui aussi, donc il était connu pour cela. Comme quoi qu'il ne se trompait pas sur donc ces points-là. كَنَا يَقُولْ مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ وَاتَّبَعَ السُنَّةِ. Donc celui qui remplit son extérieur بِإِتِّبَعَ hein, بِإِتِّبَعَ السُنَّةِ par le fait de suivre la sunnah وَبَاطِنَ بِالدَّوَامِ الْمُرَاقَبَةِ et l'intérieur par le fait de toujours en vérité savoir que Allah donc tu regardes الْمُرَاقَبَةِ. Alors qu'on voit ici donc الْمُرَاقَبَةِ c'est le plus haut degré de l'ihsan hein, كَأَنَّكَ تَرَحْ. Parce que Ka'ana Katara, c'est comme si toi-même tu voyais Allah. Donc ici, il y a quoi? Il y a Al-Muraqaba, ici, il y a Al-Mushahada, Afwan plutôt. Al-Muraqaba, c'est le deuxième degré de l'Ihsan. Fa'in lam takun tara fa'innahu yarak. Donc ici, ça rentre dans le deuxième degré. Parce que l'Ihsan, elle comprend ici donc, deux piliers. Ce qu'on appelle Al-Mushahada, et c'est le plus haut des piliers. Comme si c'est toi qui voyais Allah, Al-Muraqaba, donc tu sais qu'Allah te voit. Donc si déjà tu as déjà ce deuxième pilier de l'Ihsan, donc déjà tu vois, tu peux entrer dans cette domination-là. وَبَطْنِ بِالدَّوَامِ مُرَاقَبَةٍ وَغَدْ بَصَرِهِ عَنِ الْمَحَارِمِ وَكَفْ نَفْسَهُ يعني غض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات ذكر خلق يعني خصلة خامسة وهي أكل الحلال أكل الحلال لم يقتله فراسة. Donc ici il dit donc celui qui remplit son intérieur en suivant la sunna Donc son extérieur, apprenant suivant la sunna. Son intérieur, en tout temps, sachant qu'Allah te regarde, et que tu baisses les yeux par ce qui est interdit, et que tu repousses ton nefs des shahawat, donc des passions. Il a aussi mentionné une cinquième, donc ici, cinquième chose, qui est le fait de manger le halal, de manger de ce qui est licite. Tu ne vas pas te tromper dans le firasa. Tu ne vas pas te tromper dans le firasa. Donc il y aura encore plusieurs amthira. Donc on n'aura jamais le temps de le faire. Même pas 5 minutes, même pas 10 minutes. C'est bon. Voilà, tawfiq. Donc il montre ici. Donc إذا عرفت هذا فاعلم أن من كان مراقبا أحواله وأنفاسه مجتنبا المعاصي صغائرها وكبائرها آمرا بالمعروف متأمرا به ناهيا عن المنكر منتهيا عنه مخترقا بالأخلاق النبوية متحليا بالأداب المصطفوية ولا يرى الخير والشر والنفع والضر إلا من الله تعالى ولا يلتفت إلى مخلوق لعرض حاجته عليه ولا يعتمد عليه طرفة عين تكون فراسته كالشمس ساطعة أنوارها لامعة قدوها ينطق بالصدق ويقول الحق. C'est une parole de l'Imam Qayyim رحمه الله dans Miftah Dar al-Sa'ada et dans Madarij al-Salikin. Donc si tu vois, donc si tu sais cela, donc sache que celui qui en vérité prête attention à sa situation, à ce qu'il fait, tous les gestes qu'il fait, ainsi qu'il évite les péchés, petits et grands, qui recommande le bien, lorsqu'on lui recommande le bien, il accepte, il interdit le mal, lorsque l'interdit un mal qu'il fait aussi, il accepte, et qui se comporte avec le comportement prophétique, et qui a donc aussi les bienséances, c'est-à-dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne voit que le bien, donc il voit le bien, le mal, ce qui est profitable, ce qui est aussi, ce qui va nuire, que par Allah subhanahu wa ta'ala, donc que par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne va pas donc se retourner vers un serviteur d'Allah pour un bien quelconque qu'il aurait besoin. Et il bien sûr jamais en vérité, donc il va toujours, il ne place pas sa confiance, on va dire, en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que de cliquement d'un œil. Il aura donc justement cette firasa, il va avoir donc justement cette attitude-là, cette firasa, ce comportement-là, comme le soleil qui éclaire. Donc il montre bien donc sa lumière et aussi c'est-à-dire un soleil qui éclaire bien. Et il va prononcer la vérité et il va aussi dire la vérité. Donc il y a aussi plusieurs exemples et on va donner ici l'exemple parce qu'il y a des exemples de Omar et de Othman. Et vous connaissez sûrement les exemples de Omar. Comme Omar a été 4 fois en accord avec le Wahy. Lorsqu'il a demandé de prendre Maqam Ibrahim Musallah, vous connaissez Maqam Ibrahim. La station d'Ibrahim, aussi fil hijab, par rapport au hijab, aussi par rapport aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il le montre bien aussi, en espérant que si vous allez trouver les dévoués, Allah va les remplacer par meilleur. Donc le verset est venu, et aussi par rapport à ceux qui ont été pris esclaves. Omar a demandé qu'il soit tué, il a eu raison par rapport à cela. Et dans un autre hadith d'Anas, il dit j'ai aussi été en concordance avec mon Seigneur par rapport à trois. Par rapport au Maqam Ibrahim et par rapport aux épouses du prophète et aussi par rapport au hijab. Et le deuxième hadith qui montre la quatrième. Le deuxième hadith, c'est un hadith d'Abdullah ibn Mas'ud qui parle que d'un seul point, qui est donc justement par rapport à l'Asra. Donc on la termine ici et on ressort donc comme bénéfice ici 3 points. C'est qu'on voit que le firasa a 3 conditions. Premièrement, c'est l'intelligence. Donc l'intelligence est en vérité d'avoir un cœur qui est donc uni, dans le sens où tu n'es pas en vérité dispersé. On voit que la personne, elle sait ce qu'elle fait, donc elle est posée, elle est intelligente. Et donc ça c'est pour tout le monde, que la personne soit musulmane ou pas, que la personne soit pieuse ou pas. Elle peut très bien être, pas pieuse ou quoi, mais être intelligente et remarquer les choses. Donc ça c'est par grâce pour le croyant. Donc premier point. Deuxième point, c'est bien sûr les éléments qui vont être par rapport à ce sujet-là. Des preuves, des signes qui vont montrer à celui qui est donc doté d'intelligence que la personne est telle, elle est comme ça, et comme ça, et comme ça, ou bien elle est comme ça. Même chose ici. Donc cela, ça s'applique à tout le monde, que la personne soit musulmane ou pas. Et le troisième point, et ce point-là, bien sûr, il sera khas pour les croyants, donc c'est d'être bien dans sa religion, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'être sincère donc envers Allah azza wa jalla, et bien sûr aussi de prêter attention le salat qu'Allah azza wa jalla te regarde, afin d'éviter donc ce qui est de ce qui t'est interdit et de faire ce que Allah azza wa jalla t'ordonne. Et à partir de ce moment-là, donc la personne bien sûr elle va acquérir donc cette firasa. Et ça c'est bien sûr c'est khas pour le croyant. C'est khas pour le croyant. Hier, donc avant de terminer, on ne sait jamais si des gens veulent réécouter, quand hier j'ai parlé donc à Alimun Khabir, et j'avais dit à un moment donné, donc il y a un mot qui s'est échappé, et que j'avais dit donc l'expérience. Et en parlant d'Allah Azzal, donc Allah Azzal n'a pas besoin d'expérience. Le ilm d'Allah Azzal, donc c'est pas par rapport à l'expérience, l'expérience c'est quelque chose qui va s'acquérir chez les gens. Donc ça c'est une erreur de ma part. Si jamais que les gens écouteraient, ils vont dire je comprends pas pourquoi ce mot-là est là. Je ne sais pas comment il est arrivé, après il a été dit. Donc c'est une erreur, comme ça je tiens à corriger dans la deuxième partie, afin que les gens, s'ils entendent ça, ils savent donc que c'est une aucune erreur de ma part. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.